Je suis autant fidèle aux femmes qu'au magasin Discount. J'achète leur amour avec des roses dans mes discours. Appelle-moi le loup dans la basse-cour. Lorsque ma poule bouge, j'y fais un bisou, ça efface tout. Dans mes veines, le vice tourne comme un vinyle. J'adore dire aux filles que c'est fini. Y'a du rouge dans ma rétine, je suis un démon paraît-il. Mais il faut dire que je kiffe trop les parésies. Les strings du Brésil, les bouches de Sicile, les beautés de Russie et toutes les femmes faciles. Faire souffrir ça me fascine, je dois être maso. Si t'es fragile, viens ici, je te coupe les ailes comme un oiseau. Je vais te faire découvrir le paradis. Je vais te montrer tout ce que peut abriter la vie. D'entrée je t'annonce, me parle pas de romantisme. Sinon je t'emmène dans un bar et te montre comment on tease. Au fait, les sentiments c'est mentise. Ils me font peur, ils me font mal, comme un père qui bat son fils. Ne parle jamais d'un projet comme d'avoir un enfant. Sinon je t'envoie chier et te fous le nez en sang. J'ai pas ce qu'on fout ensemble, je dois avoir de la pitié. J'ai tellement de femmes que parfois je me demande qui t'es. Pour le mal que je fais, je plaide coupable, faut pas m'acquitter. Avec les dames, je suis un diable depuis que cette garce m'a quitté. Quitte à être célibataire, je compte profiter. Dans mes filets, on peut trouver des jeunes, des grosses, des moches et même des vieilles pour rider. Je n'ai aucune pitié, je n'ai pas de limite d'âge. Je suis comme une tornade, je ramasse tout sur mon passage. Je ne suis pas un gars sage, loin de là. Je compte bouffer la vie avant mon voyage vers l'au-delà. J'ai 26 balais, j'ai plus le temps de rêver. Je me donne 3-4 années pour à nouveau aimer. En attendant, je vends du rêve et de l'espoir. Pour toutes les femmes, je suis une rose noire. Hey, señorita, fais gaffe au mec qui porte un masque. Et ceux qui mettent des mots doux dans leurs phrases. Je te mets en garde, petite naïve. Si on te tend une rose, regarde.